si. On ne pouvait jamais rien savoir avec lui. Gassi, Gassi, Keno, Keno. Il ne savait jamais, dit-on, si c'était oui, si c'était non. Keno, Keno, qu'est-ce que si. Il était le plus hésitant des indécis. En plein milieu des rues, soudain, il s'arrêtait, se demandant de quel côté il devait traverser. Au restaurant, quand on lui donnait le menu, il ignorait s'il fallait commencer par le début. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce que no. Toujours à l'heure, à son boulot, oui, mais dans un autre bureau. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce. C'était vraiment un rigolo. Qu'est-ce que no. Qu'est-ce que si, qu'est-ce que no. Depuis qu'il était au berceau, on l'appelait qu'est-ce que no, qu'est-ce que no. Qu'est-ce que si, on ne pouvait jamais rien savoir avec lui. Qu'est-ce que si, qu'est-ce que no, qu'est-ce que no. À lui tant de fois s'étaient présentés les parties les plus beaux. Qu'est-ce que no. Qu'est-ce que si, qu'il aurait pu se marier, mais avec qui. Quand à l'église, le prêtre lui demandait « Voulez-vous, oui ou non, en juste noces convolées ?» Un grand murmure dans la foule s'élevait, quand immanquablement, que si que non lui répondait « que si, non, que non, je voudrais bien, Padre mio, croyez-vous que c'est pas trop tôt, que non, que si, c'était vraiment un rigolo, que si que non ?» Quand il mourut, n'ayant pas su à qui léguer tous ses écus, il s'était fait seul héritier. C'était vraiment une rigole, que si que na, que si, que na, que si, que na, que si, que si, que na, que na. C'était vraiment une rigole, que si que na. Et on continue avec Alain Chalonne, c'est comme d'habitude de Claude François. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti et pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Te déshabillera comme d'habitude, tu te coucheras comme d'habitude, on s'embrassera comme d'habitude. On va écouter maintenant Monsieur Tino Rossi, oui, on dit monsieur pour certains, Monsieur Tino Rossi qui va nous interpréter Il pleut sur la route, un de ses plus grands succès. Et c'est tout spécialement pour Robert de Saran, à qui je souhaite un bon après-midi à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Alors on écoute tout de suite Tino Rossi. Sur la route, le coron des routes. Dans la nuit, j'écoute le bruit de tes pas. Mais rien ne résonne et mon corps frissonne. L'espoir s'envole déjà. Ne viendrais-tu pas? Dehors le vent, la pluie, pourtant si tu m'aimes, tu viendras quand même cette nuit. Il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute. Chaque bruit, mon cœur bat, ne viendras-tu pas? L'orage est partout, dans un ciel de boue, mais l'amour se rit de tout. Il a dit ce soir, la recevoir chez moi, tout chante

J'aime l'accordéon, Suzy Solidor. Moi j'aime l'accordéon, sa ritournelle tendre et ronde. Je rêve, je fais le tour du monde lorsqu'un accordéon gémit. Moi j'aime l'accordéon, tant pis pour ceux qui trouvent ça drôle, pour ceux qui haussent les épaules quand je rêve autour de lui. Moi j'aime l'accordéon. Le matelot rêvait d'amour le long des quais des anciens jours. Il n'avait pas trouvé la chance près du cap de Bonne-Espérance. Il la trouva dans Saint-Malo près d'une belle comme il faut, qui ne savait qu'une chanson, celle qu'attendait le garçon. Moi j'aime l'accordéon. Moi j'aime l'accordéon, sa ritournelle tendre et ronde. Je rêve que je fais le tour du monde quand un accordéon gémit. Moi j'aime l'accordéon, tant pis pour ceux qui trouvent ça drôle, pour ceux qui haussent les épaules quand je rêve autour de lui. Moi j'aime l'accordéon. Ils sont partis sur son bateau avec les rêves les plus beaux. Il joue pour elle toute la nuit, des airs qui chassent les ennuis. Il s'est mêlé dans ses romances les vieux refrains de son enfance. À quelques valses des faubourgs, on y chante le même amour. Moi j'aime l'accordéon. Moi j'aime l'accordéon, sa ritournelle tendre et ronde. Je rêve que je fais le tour du monde lorsqu'un accordéon gémit. Moi j'aime l'accordéon, tant pis pour ceux qui trouvent ça drôle, pour ceux qui haussent les épaules quand je rêve autour de lui. Moi j'aime l'accordéon. Et on retrouve maintenant Alain Shannon. Et avec une erreur à faire, ben je l'ai faite. Non, je ne l'ai pas faite. Qui c'est qui a dit ça? 14h49.

et je te serre entre mes bras. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lili, Lili Marlène. Lili, Marlène. Le bonheur est entré dans mon cœur sur Arc-en-Ciel, 14h58 pratiquement. On est ensemble jusqu'à 17h. Non, pardon, j'ai fait une erreur, oui. On est ensemble jusqu'à 16h dans tous mes horaires et on arrive à mélanger, tout mélanger. Le dimanche de 12h30 à 15h, le samedi de 16h à 18h et le lundi de 14h à 16h. Et on continue tout de suite avec un monsieur très connu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, mon prédécesseur l'avait reçu, mais il n'a pas voulu jouer de l'accordéon en direct, donc on a parlé. Et c'est monsieur Jean-Désiré Bailly. Le bonheur est entré dans mon cœur. Un petit coup d'accordéon. Je pourrai toujours le bonheur de mon frère.

fond des bois apeuré se cache parmi les buissons. Mais déjà les chiens aboient, la mort à cheval pointe à l'horizon. En chasse, voici les chasseurs qui passent. Au fond des bois, tressaille immobile parmi les buissons. Son cœur tremblant aux abois, elle se blottit sur le vert gazon. En chasse, voici les chasseurs qui passent. Au fond des bois, en silence attend parmi les buissons. Personne ici ne la voit, mon Dieu que le corps a un triste son. En chasse, voici les chasseurs qui passent. Au fond des bois, joyeuse se lève parmi les buissons. Puis à la source elle boit, tandis que le vent reprend sa chanson. En chasse, voici les chasseurs. Entre sa vallée, il est une petite chapelle qui vient nous redonner l'espoir par les vœux implorés au ciel. J'avais déjà remarqué que je pense les états et nos bourgeoisiaux qu'apportent tout ben en évidence par derrière un écritio au chauffeur de Mme la marquise. J'ai demandé pour me renseigner ce que ces pancartes la voulaient dire. Alors il m'a expliqué, c'est que la voiture a le temps rodage, qu'elle est neuve, n'a jamais servi. Faut pas y donner de surménage, car on risquerait de la démolir. Ça ferait pas de la ben bon ouvrage si on la faisait gaberter. Et puis dans le coup, mal temps rodage, on pourrait la gapoyer. L'autre jour, j'ai joué la Michiboune qui partait en s'échevauchant. Quand j'aperçois sa petite bicoune empêtrée des pattes de devant, j'ai dit c'est tic à devin méchant. Moi, comme fait mèche, je sais pas ce cas-là. Peut-être que c'est le diable qui la tourmente. Alors moi, réponds comme ça. Peut-être ma coup de cheval en rodage, que les neuf n'a jamais servi. Puis quand ça vint à prendre de l'âge, ça devint ben malaisé à tenir. Y'a le bouc agus qui est en galvage, vous pourrez ben loin de ma fier. Car si vous cheval en rodage, il pourrait la gapoyer. Le soir de la noce a désiré, après avoir ben m'adouné, là que je vois m'nier la mère de la mariée, qui me dit d'un air ennuyé, ma pour drôlier a l'air tout chaude, sœur à la fée que de pignocher. Alors moi je dis, je comprends la chose, et puis je m'en vais vous l'expliquer, c'est que la mariée a le temps rodage, qu'elle est neuve n'a jamais servi, puis dans mille jours de son mariage, ça peut y couper l'appétit. Comme elle a toujours été sage, sœur a pourré ben s'arrêter, mais au bout de quelques années de rodage, elle pourra vous en remontrer. En revenant de la noce, la Mélie, elle me dit, je nous sentis ben amusés, mais sans tout à fait rajeunis. Ce soir, Eugène, je ferai les mariés. Je réponds, Mélie, tu m'embarrasses. Fais les mariés, c'est ben vite dit. Mais s'il faut que plusieurs fois je t'embrasse, le plus simple pour pas vous dire. Si on se faisait mettre en rodage, puisque c'est la mode aujourd'hui, ça nous procure l'avantage, et nous fait tous deux la gaillardie. J'en bats tout 32 ans de mariage, c'est ben la meilleure solution. Car j'ai vu dire qu'un bon rodage, ça vous enlève le pléon. Thank you. Venez à Berriesbois, c'est le pays des chasses. Au milieu de ces bois, on y voit des bécasses. Pour lui prendre ses bois, on y poursuit le cerf. Mais on y vient parfois voir la feuille à l'envers. Allez à Berriesbois, vous changez les idées et chantez à pleine voix en dansant la bourrée. Si vous avez le bourdon pour retrouver la joie, avec nous venez donc danser à Berriesbois. Tout le monde se déplace pour venir s'amuser. Qu'importe la saison, on y danse la bourrée. Les filles et les garçons viennent même s'y marier. Allez à Merriesbois, vous changez les idées et chantez à pleine voix en dansant la bourrée. Si vous avez le bourdon pour retrouver la joie, avec nous venez donc danser à Merriesbois. On s'est promené comme petit l'autre, 15h23 minutes. Francky vient d'arriver. Vous aurez Francky dans quelques minutes, oui, dans une demi-heure. Hein. On va continuer avec Jean-Désiré Bailly, vous l'avez écouté. On va écouter quelqu'un d'autre. Et ce sera cette fois-ci notre ami Jean Cambon. Que tu m'aimes, pourquoi te mentir à toi-même? Entre nous deux, les mots sont superflus. J'ai deviné que tu ne m'aimais plus. Pour autant, tu sais si bien me prendre avec des mots câlins et tendres que d'un baiser je n'ai su me défendre et j'ai crié dans un rêve éperdu. Redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur m'aime y prend plaisir. Avec toi, tendrement je me plonge dans un bonheur facile et qui suffit à m'étourdir. Et la nuit disparaît comme un songe, comme un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Redis-moi tes mensonges. Toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. disparaît comme un songe, comme un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Redis-moi tes mensonges, toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. Quand revient la saison des fleurs et du soleil, il est un beau pays à nul autre pareil, où l'air est plus léger, où les femmes sont belles, où tout vient nous griser, où tout nous ensorcelle. Sous ton beau ciel d'azur où s'abrite l'amour, c'est le joyeux printemps qui règne chaque jour. Ce pays merveilleux, chanté par les poètes, c'est celui des ténors et de la violette. Ô Toulouse, c'est le pays du midi le plus joli. Ô Toulouse, celui qui nous enchante et nous réjouit. Ô Toulouse, pour tous les amoureux, c'est un paradis. Ô Toulouse, ô Toulouse, ô beau pays. Dans les beaux soirs d'été, là-bas au pont jumeau, les couples enlacés valsent au bord de l'eau. Les braves pescofis, tout près de l'embouchure, alignent le roseau pour prendre une friture. Les jeunes gens sportifs, football, rugbymen, s'entraînent dans l'espoir d'être champions demain. Tandis que l'on entend, des bords de la Garonne, monter les fiers accents de la chanson gasconne. Ô Toulouse, c'est le pays du midi le plus joli. Ô Toulouse, celui qui nous enchante et nous réjouit. Ô Toulouse, pour tous les amoureux, c'est un paradis. Ô Toulouse, ô Toulouse, ô Toulouse, ô beau pays. Ô Toulouse, c'est le pays du midi le plus joli. Ô Toulouse, celui qui nous enchante et nous réjouit. Ô Toulouse, pour tous les amoureux, c'est un paradis. Ô Toulouse, ô Toulouse, ô Toulouse, ô beau pays. Des troupeaux, si loin, si haut, vers le hameau. Le pâtre joue un air sur le pipeau, que d'un roseau il a taillé de son couteau. Quand revient le printemps, la nature est en fête, jusqu'au pied des volcans naissent les violettes. La joyeuse hirondelle, volante à tire-d'aile, tout chante et tout sourit, de la Limagne au puits.

battre des montagnes. J'aime l'air, la liberté, le brillant soleil des campagnes et le firmament étoilé. J'ai pour palais une chaumière où sont soucis du lendemain. Le soir en guise de prière, j'entonne ce joyeux refrain. Oh, trololo, ti di ulala, trolo ye ye ti, trololo ye ti di ulala, trolo ye ti di ulala, trolo ye ti di ulala, quand tout petit chez ma grand-mère, j'allais passer l'été. Je me souviens qu'elle était fière d'un vieux coucou démodé. Et pendant des heures entières, je me prenais à l'écouter. Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, et on va écouter Gianni Franco, Les grilles de ma maison.